éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler de Louise Michel, une femme qui a marqué l'histoire par son engagement et son courage. Très tôt, elle est confrontée aux inégalités sociales et refuse l'école traditionnelle qu'elle juge trop autoritaire. Elle défend au contraire une éducation plus libre, plus juste, où chacun peut apprendre et réfléchir. On voit déjà chez elle une volonté de remettre en cause les normes de son époque. Mais c'est surtout en 1871, pendant la Commune de Paris, qui est une révolte du peuple parisien contre le gouvernement, qu'elle se fait connaître. Louise Michel ne reste pas en retrait. Elle s'engage pleinement, elle soigne les blessés, participe au combat et soutient les révolutionnaires. Louise Michel défend aussi l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment leur participation à la vie politique. Elle prend des risques importants et s'impose dans un contexte où les femmes sont normalement écartées. Après la défaite, elle fait un choix rare, elle ne fuit pas. Elle se rend volontairement aux autorités et assume ses actes. Lors de son procès, elle impressionne par son courage et refuse de se défendre, montrant qu'elle est prête à aller jusqu'au bout de ses convictions. Elle est ensuite déportée en Nouvelle-Calédonie. Même loin de la France, elle continue de défendre la justice, notamment en soutenant les révoltes des Kanaks. Jusqu'à la fin de sa vie, elle reste fidèle à ses idées. Ce qui rend Louise Michel particulièrement marquante, c'est qu'elle montre qu'une femme peut s'engager, agir et prendre des risques au même titre que les hommes, dans une époque où cela reste très inhabituel. Son combat dépasse sa propre personne et s'inscrit dans une volonté plus large de justice sociale. Louise Michel incarne donc un engagement à la fois fort par ses actions et son courage, mais limité car malgré tout, les idées qu'elle défend ne s'imposent pas durablement à son époque. Louise Michel, c'était une femme de conviction, prête à tout pour défendre la justice et surtout la liberté.